Si vous voulez dire « ça, c'est une très bonne idée », ça, cela, se dit... Eso? Eso, oui, hein, c'est bien ça. Hein. Esto serait ceci et eso, cela. Donc, ça, eso. Hein. Eso, c'est... Es. Eso es une très bonne idée. Una... Muy buena. Muy buena, oui. Eso es una muy buena idée qui se dit idea. Una muy buena idea. Eso es una muy buena idea. ¿Pouvez-vous le redire? Eso es una muy buena idea. Eso es una muy buena idea. Y ce n'est pas une mauvaise idée, no es una mala idea. Ou, c'est une excellente idée, es una excelente idea. Hein? Idea, idée.